Hors du langage, un territoire. Deuxième partie. Le réseau. Avec les chants, les bruits, les murmures, les bribes, les souffles de Malika, Brigitte, Christophe, Gilles et Amar. Avec les paroles de Gisèle Durand et Jacqueline, cheville ouvrière de la tentative de Monoblet. Chantal et Claude Berton, parents de Christophe. Henriette et Jean Toche, parents de Gilles et membres de ses amotismes. Fernand de Ligny, dans les films de Renaud Victor, ce gamin-là est à propos d'un film à faire. Et avec l'eau des Cévennes. Il écoute. Aucun animal n'écoute comme ça. Pour rien. Le bruit qui vient du plus profond de l'eau, qui n'est pas une chose, puisque lui n'est pas quelqu'un. Si on sentait que ça allait, que Jean-Marie ça allait, c'est qu'on était sur la bonne direction, quoi. Une boussole. On peut parler du mot tentative, c'est vrai que c'est. Deligny avait l'habitude, depuis qu'il menait ses tentatives, elle ne durait généralement que 3 ans. En gros, c'est 3 ans, à peu près. Soit que c'était interdit. Ça se terminait soit avec des gendarmes, soit ça se terminait avec « c'est très très bien ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez besoin, tout ce que vous voulez, de l'argent, des lieux, des machins, tout ça ». Bon, et Deligny, qui était quand même le roi de l'esquive, hop, il esquivait, il s'en allait parce que l'institutionnalisation, ça lui foutait la trouille et puis il s'en allait. Bon, il faut quand même dire que toutes les... Moi, je préfère le mot « démarche » maintenant parce que... J'ai changé un peu le mot, mais parce que bon, ça fait 42 ans hein, qu'on est ici, et tentative, ça fait quand même un peu léger comme mot. Donc je préfère parler maintenant de démarche. Mais c'est vrai que toutes les tentatives que Deligny a menées, avant 67 et après 67, il n'a jamais mené seul. Hein, il y avait toujours une poignée de personnes. Quand arrive Jean-Marie, donc c'est le démarrage de cette nouvelle tentative. Mais l'idée annoncée au départ, c'était on est 4 ou 5 là, et que comment on va s'articuler pour que un gars, en gros voilà comment était oui ce que Deligny proposait ou pouvait afficher comme position, c'était on est 4 ou 5 et comment essayons de nous articuler à 4 ou 5. Pour qu'un gamin comme Jean-Marie puisse vivre tranquille avec nous, quoi. Et quand je dis bien nous, je précise, parce qu'on est en 67, puis bon, après les années avancent, là, et arrive un petit peu l'époque des communautés. Hein. c'était pas vraiment dans notre idée. C'est pour ça que très vite, c'est le mot réseau qui est apparu dans notre. Il faut bien. C'est pas qu'on. On est bien obligé de formuler. C'est-à-dire, si vous ne formulez pas les choses, on vous plaque autre chose sur le dos. Il y avait un terme qui s'appelait communauté thérapeutique. Il y a eu tous ces mouvements-là. Donc, Doligny, toujours pour esquiver, proposer. Mais c'est vrai qu'on n'était pas une communauté. Moi, je voyais, à certains moments, pendant des années, vu que je m'étais mis là où je pouvais à Monoblet et que j'y étais, le lieu où j'étais, y étais 24 heures sur 24 et que je ne me déplaçais pas parce qu'il fallait être là. Hein, les gars qui étaient avec nous, il fallait bien être avec eux. Donc des fois, Doligny, je ne le voyais pas de 6 mois. Hein, vu que lui ne se déplaçait pas dans les lieux du réseau, des fois, je ne le voyais pas pendant 6 mois. Et puis de Gourgas, nous on est venus habiter à Graniès, Deligny, Annie et moi et Jean-Marie. Et donc Guy Aubert, Marie-Rose ont loué une maison dans le village à Monoblet. Et donc Jacques s'est installé un petit peu plus bas que Gourgas dans un lieu qu'on lui avait prêté. Et puis plus tard, il partira aussi, il va passer un hiver à Graniès, mais après il partira dans d'autres lieux avant vraiment de s'installer au Céré, quoi. Donc en fait, ça fait 3 lieux. Et ça, c'est ce que Deligny appelait le réseau d'origine, quoi. Il y avait Graniès, le palais, le lieu dit là où il y avait Guy Aubert, et le Céré. Bon, chaque lieu accueillait des gamins. Chaque lieu avait, disons, son propre fonctionnement, sa vie. Guy qui venait plutôt d'un milieu paysan, qui était près de la terre, enfin, il cultivait la terre. Et en fait, je faisais un petit peu mon rôle là-dedans. C'était de faire un petit peu la liaison, donc... J'allais chez Guy, mais Guy aussi avait comme une fonction, il amenait le courrier à Deligny. C'était lui qui prenait le courrier à la poste de Monoblet et qui amenait le courrier à Deligny. C'était un moyen aussi de, tous les jours, faire un petit peu le point sur, par exemple, des demandes de prise en charge de gamins. Guy Aubert aussi s'occupait plus d'amener les gamins au médecin, enfin des choses pratiques, voilà. Et moi, à Graniès, je fabriquais du pain pendant les premières années. C'est moi qui fabriquais le pain avec Jean-Marie et Christo. J'en faisais 3 fois par semaine et je faisais le pain pour tous les lieux du réseau. Parce que bon, il y a eu le réseau d'origine dont je viens de parler. Mais puis après, au fur et à mesure, se sont ajoutés d'autres lieux. Donc il y a eu aussi Renaud Victor avec sa femme qui se sont installés toujours aux alentours, je dirais un pourtour de 20 km environ. Puis il y a eu Robert Cassan avec Marie, René Goffre. Donc ça fait à peu près Marido et Alain Cazur, donc ça fait environ 6 ou 7 lieux. Donc ils venaient chercher le pain, ils venaient voir aussi de Guigny. Et en même temps, ça permettait entre chaque lieu du réseau de pouvoir un petit peu communiquer parce que chaque lieu du réseau était représenté par une petite table en pierre. Et là, donc c'est là que je posais le pain pour chaque lieu du réseau. Ils laissaient leur petit sac et puis je mettais le pain dedans. Et puis là, il y avait des petits mots qui circulaient, voilà, entre eux, parce qu'il y avait un lieu où justement, au Céré, ils fabriquaient du fromage. Donc, eux aussi, ils faisaient du troc entre eux. Donc, il y avait aussi toute cette relation-là qui se faisait et qui était vraiment très importante. Assez vite, ça s'est su. Hein, ça s'est su qu'il y avait Deligny, parce que quand même Deligny avait un certain renom. Hein. Puis Deligny, il écrit, hein, il a des livres, et donc il y a eu des articles, il y a certaines revues qui. L'Express, ou je sais pas, ou l'UMA, parce que bon, quand même Deligny avait des liens avec. Il n'était plus au PC depuis longtemps, mais il a quand même eu des liens avec le PC depuis la guerre, avant la guerre, et tout ça. Bon. Et. Donc des gens, pour citer des noms connus comme Dolto ou Manoni, qui avaient des gamins autistes, que des parents venaient voir avec des gamins autistes, et lui dire d'une Dolto qu'elle ne savait pas par quel. J'ai bien essayé un peu de la psychanalyse, mais la psychanalyse avec un autiste, je vais vous dire que. Dolto était venu le voir un peu, il lui avait apporté le prix de son bouquin, je ne sais pas, d'un de ses bouquins, tu sais. Mais alors, les psychanalystes, je ne sais pas trop ce qu'il en pensait, parce qu'il était assez critique, hein, en général. Oui, oui. Tout ce qui était psy. Oui, mais vous voyez, c'était dans la mesure où la parole était mise en valeur, hein, dans la psychanalyse. Christophe avait 11 ans, 12 ans, donc en 72, 73, parce que Christophe était suivi. Enfin, à l'époque, on allait voir Madame Dolto une fois par mois, et c'est Madame Dolto qui nous a indiqué au bout de 2 ans, oui, 2 ans, oui, à peu près, d'aller oui. voir Monsieur Deligny, dans les Cévennes, au fond des Cévennes. Voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Mais, pour approcher Monsieur Deligny, ça se faisait pas comme ça. Le téléphone, il connaissait pas. Ils ne voulaient pas savoir que ça existe. Ils ont passé par des intermédiaires. Oui, c'est ça, oui. Et finalement, il nous a reçus. On n'a pas laissé là, Christophe, on n'a pas laissé là par défaut de n'avoir rien trouvé. C'est parce que quand on a discuté avec Deligny, c'était enfin un homme qui savait de quoi il parlait. L'autisme, le mot n'existait pas, hein, il n'était pas prononcé, on disait psychotique. On nous a toujours dit psychotique. Ou sans langage. Et bah, ça a été. Il savait. Bon. Vous étiez séduite parce que. En confiance. Et on venait vraiment. Vous savez, quand on vient de la Touraine, où mon mari travaillait sur Orly, enfin de milieu un peu moderne, on va dire, entre guillemets. Et qu'on atterrit dans les années 70 dans les Cévennes à Gragnès, le choc culturel est hallucinant. Vous passez de la machine à laver des avions à la rivière pour faire la toilette, c'est pas du tout évident. Nous étions à Paris. Et là, c'était des parents comme nous qui étaient absolument affolés en disant qu'est-ce qu'on va faire, enfin. Et alors, il y a quelqu'un qui a dit, mais il y a certaines personnes qui peuvent s'en occuper. Et en particulier, Fernand de Ligny, nous, on ne connaissait pas du tout, qui est dans le Gard. Pour situer, c'est début 73. Début 73. Et là, bon, on a dit, vous savez, quand on ne sait rien, hein, alors on a écrit, je me rappelle ma lettre, et je lui ai dit, vous savez, voilà, un enfant comme ça, et nous ne pouvons que l'amener dans les forêts autour de... C'est vrai, on le promenait dans les forêts, tu te rappelles, autour de Paris, quoi. Enfin, il m'a répondu, il a dit, d'accord. Vous venez, alors... Enfin, il a dit, venez me voir. Venez me voir, oui, venez me voir. Alors, on est allé le voir, et j'avoue, moi, en tant qu'il y a un esprit très, un peu fantaisiste, je sais pas comment, j'ai été séduite par cette personnalité, parce que, si vous voulez, on avait vu une fois une dame, un médecin, qui a regardé Jules, qui a dit, oh, mais il y a des symptômes, il faut les... Ah, alors là, moi, je dis non, je ne veux pas quelqu'un comme ça. Ou alors, ce qu'on nous proposait, c'était l'hôpital psychiatrique, quoi. Et tandis que lui, ben, nous proposait cette vie à la campagne. Et ça me plaisait beaucoup. Bien que, je dois le dire, dans la mesure où il n'avait pas un cadre de vie confortable... C'était un choix à faire, hein, parce que, évidemment, au début, ils ont campé, c'était vraiment un choix, mais il faut être cohérent, quoi. Qu'est-ce qu'on veut, hein, qu'est-ce qu'on veut? Moi, la vie dans la nature me paraissait infiniment plus extraordinaire Que la vie à l'hôpital de jour, dans certaines institutions avec des femmes en blouse blanche. Christophe sortait de l'hôpital de jour à Tours. Les fenêtres, il n'y avait pas de poignée aux fenêtres, pour ne pas ouvrir les fenêtres, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que les portes étaient fermées à clé dans la journée. Alors donc, les enfants passaient d'une salle à l'autre, derrière, on fermait la porte pour éviter les évasions. Mais après, donc, quand vous comparez, il a été pendant 2 ans en hôpital de jour, donc la vie en hôpital de jour de l'époque, maintenant je ne sais pas comment c'est, mais de l'époque et la vie qui se passait ici, ben, évidemment, et c'était mieux ici. Pour nous et pour lui, pour d'autres parents, je ne sais pas, moi je ne m'avance pas pour les autres parents, pour nous. Ah ben moi j'ai un collègue qui était venu ici avec son gamin, et il n'a pas accepté le fait de ne pas savoir ce que faisait heure par heure ou jour par jour son fils. Alors, je dois dire également que quand nous sommes arrivés, alors on a dit, bon, ben on va voir si ça va. Enfin, et on lui a dit, alors au point de vue financier, comment fait-on? Qu'est-ce qu'on vous doit? Oh! Il nous a dit ce que vous voulez. Alors là, quand même, on a participé, évidemment. Mais ça m'a ahuri, vous voyez. C'était le personnage aussi, et c'était le... Et tu te souviens, moi j'étais absolument ahurie. Il ne voulait pas en faire, si vous voulez, un business. Hein, il voulait. Mais c'était assez déconcertant quand même. Donc voilà. Alors on a loué quelque chose à un mois. À côté, sans voir Christophe pendant un mois, on avait loué faire une maison à côté de Saint-Hippolyte, et Christophe était donc à Granies, chez Monsieur de Ligny, mais on ne savait pas où, parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait différents lieux. Il y avait le Granies, c'était le centre, et il y avait un réseau qui fait que un coup il était pendant 3 jours dans une maison, le coup d'après au CRA, dans une autre ferme, donc il se promenait un petit peu. On n'avait pas le droit de savoir où il était. Ou alors sous la tente. Il vivait aussi sous la tente à l'époque. Oui, on n'avait pas le droit de savoir où il était. Alors toute la famille est venue nous assister, bien sûr, passer des séjours avec nous. Tous les 8 jours, on allait voir M. Deligny qui nous donnait des petits renseignements. Et M. Deligny nous avait dit, je ne veux voir ni grand-père ni grand-mère en plus. Oui, ça c'est son truc, oui. La famille... Pas l'intervention de la famille. Ce que je peux dire, ce que je dois dire, c'est que nous n'avons pas du tout cherché à savoir ce qu'ils avaient, de quoi ils étaient atteints. Nous nous sommes mis à la recherche de ce qui pouvait bien nous manquer, nous faire défaut, et gravement. Pour que ce nous-là, de personnes conjuguées, soit à leurs yeux inexistant. Son idée principale, à mon avis, c'était que le mot, le langage, le fait qu'on utilise le langage, enlève à l'homme une partie de ses ressources. Et c'était très important, ça. Une partie de ses ressources dans la mesure où on ne se fie plus à certaines instincts élémentaires, si vous voulez. Voyez, c'est difficile à admettre parce que le langage est tellement permanent et on ne peut pas s'en passer maintenant, mais il y avait cette idée-là, quoi. Donc ce que proposait Deligny aux parents, je dis bien Deligny parce que nous on était dans les lieux contact, enfin, avec les gamins tous les jours, mais les parents ne venaient pas dans les lieux. Ils ne venaient pas dans les lieux, et donc c'est Deligny qui recevait les parents. En même temps, les parents racontaient à Deligny, c'est normal, hein, enfin, c'est comme ça, mon gamin il est comme ci, il est comme ça, mais Deligny ne nous disait jamais rien. Alors, comme ça, au moins, on était à l'aise, et ce qui nécessite d'être aux aguets. Hein. Quand il vous arrive un gamin le premier jour comme ça, que vous n'avez pas du tout... qu'est-ce qu'il va faire? S'il va exploser dans les 3 secondes qui va suivre, qu'est-ce qui va le faire exploser? Parce qu'ils ont du commun, mais ils sont tous différents. Donc ce qui était proposé aux parents, c'était... On est là pour un moment. On ne précise pas le moment. Hein. 3 mois, 3 ans, qu'importe. Si personne ne signe de contrat... on est là pour un moment. Notre travail, si on peut dire, notre, c'est d'essayer de révéler, hein, révéler comme, comme en photographie, mais maintenant, il y a plus de, on ne développe plus beaucoup les photos, c'est parce que c'est révélé comme ça, dans ce sens-là, comme un révélateur. Hein. De révéler que dans d'autres circonstances, votre gamin peut être autre. Quand il est arrivé ici, Christophe ne mangeait pas de dur. Il fallait tout mouliner. Tout était mouliné et très peu de choses. Quelques trucs moulinés, de la blédine, des bananes, oui, des bananes au lait Nestlé, et ça s'arrêtait à peu près là. Oui. Alors donc on l'a laissé chez Deligny en se demandant comment il va faire pour manger. Tu avais laissé des gâteaux avec ça, avec lui. Oui, il a toujours rigolé. Quand je pense à votre valise avec la boîte de blédine à l'intérieur. On avait affaire, et je le savais qu'après, parce qu'on ne parlait jamais des gamins, parce que si on disait des choses, c'était des choses vraiment vitales, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, si les sujets au vertige, dès qu'il est à plus de 10 cm du sol, il vaut mieux le dire, parce que vu qu'on se baladait plutôt sur des murettes et des machins, il vaut mieux le savoir, pour pas qu'il se casse la gueule de sa première sortie. Bon, c'est des trucs où... Quant au reste, on ne le savait pas. Il est comme ci, il est comme ça, il a fait ci, il a fait ça, il fait pas ci, il fait pas ça, il veut ci, il veut pas ça. Bon, il. C'est comme c'est quand même un il. Donc le fait de ne pas savoir, alors je vais prendre des exemples concrets. Il y a un autre petit copain qui est encore là d'ailleurs, c'était comme ça au début. Il a, alors soit ces gamins, ils sont boulimiques, ils bouffent tout, n'importe quoi, et ils boufferaient à longueur de journée, soit il y en a qui ne mangent pas du tout, ou quasiment rien. Ou certaines choses. Et étant donné que la plupart de ces gamins venaient chez eux, venaient de chez eux, dans leur famille, il se trouve que il y avait une espèce d'équilibre qui s'était établi entre la mère, enfin, souvent c'est la mère, hein, la mère et son enfant un peu bizarre, là, autiste, et il arrivait que des gamins qui ne mangeaient que de la blédine. Ils avaient 10 ans et ils mangeaient que de la blédine, ils ne voulaient rien d'autre. Ils ne voulaient rien d'autre. Et quand un gamin... Quand un gamin autiste se met en position de refus, ça gicle, hein. Ça gueule, ça hurle, ça mord, il se tape la tête sur les murs. Hein. Vous comprenez la mère, elle n'a pas envie que son gamin, déjà, qu'il n'est pas facile, qu'il est bizarre, qu'il se casse la tête en deux. Hein. Bon, on comprend tout ça, hein. C'est pas du tout une critique. Ne sachant rien, dès le premier jour, il arrive et le gamin, ce qu'il y a à bouffer, d'abord, on n'avait pas vraiment une grande gamme de nourriture, on n'était pas bien riche, donc. Il arrive et puis il veut pas manger. Bon. Alors on se dit comme tout le monde, on est comme tout le monde, hein. On se dit, il aime pas ça, il a pas faim, c'est le changement, c'est je sais pas quoi, enfin on se raconte tout ce qu'on veut, un tas de trucs. Le troisième repas, il est le premier à venir bouffer ce qu'il y a, hein. Et puis il déborde. Hein. S'il était arrivé avec sa petite valise et les paquets de blédine au fond de la valise avec le mode d'emploi pour le faire bouffer, peut-être qu'au bout du deuxième repas, on lui aurait redonné la blédine comme aurait fait sa maman. Et puis c'était reparti, quoi. Le fait de ne pas savoir... le fait de ne pas savoir, donc du coup, les circonstances changent. Hein, et puis c'est pas du bidon, quoi, hein, c'est pas, on ne fait pas semblant. Donc ça permet qu'autre chose ait lieu. Mm. Non, non, non. Assez vite, il y a eu des... on a pris des images, il y a eu une caméra, il y a souvent eu une caméra. Même si c'était très rudimentaire, les premières années, c'était une Super 8, hein, une petite caméra Super 8 qu'on avait, qu'on nous avait passée, et on disait aux parents, écoutez, si vous voulez voir comment est votre gamin, vous nous donnez quelques cassettes de Super 8, et quand il repartira chez vous, il repartira avec sa cassette. Le fait de ne pas savoir... comment était le gamin chez lui. On était d'autant plus à l'aise pour filmer, parce que dès qu'on sait, dès qu'on parle, dès qu'on sait trop les choses, on oriente. Hein, ah putain, il est comme ça, puis là, il n'est pas comme ça. Donc, on était au moins de ce côté-là très à l'aise. Bon, on savait que quand c'était dans le lieu où j'étais, c'est moi qui filmais, mais je savais que la cassette que j'allais faire, que j'étais en train de faire, était adressée aux parents de un tel ou un tel. Mais étant donné que, je ne savais pas du tout comment était le gamin chez lui, donc j'étais à l'aise. Et puis, je ne me contentais pas de filmer que le gamin. Moi, j'élargissais. Hein, j'ouvrais l'angle le plus large possible pour filmer la vie du lieu, quoi, les circonstances. Voilà, on est là. Et puis, de temps en temps, bon, y a le gamin qui y était quand même. Il ne faut pas non plus ni filmer les petits oiseaux sur les arbres, ni les moutons qui passaient en bas. Mais... Après est venu, après la période, on a pu avoir, et ça c'est grâce à Renaud Victor, quand le film Ce gamin-là s'est fait. Renaud, il débarque, il veut faire un film. Donc il arrive avec une espèce de scénario qui fait monter les yeux au ciel à Deligny, parce que c'est bon, un truc qui ne lui convenait pas. À force de nous fréquenter, ça faisait quand même quelques mois qu'il venait, il dit mais qu'est-ce que je m'emmerde à vouloir faire un film alors qu'il se passe là à côté, quand même quelque chose de pas ordinaire, hein, et qu'il vaudrait peut-être le coup de filmer, quoi. Donc voilà, donc le film démarre comme ça. Il vient filmer, et il emmerde parce qu'il vient avec ses habitudes de réalisateur tout frais, où il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc Deligny propose à Renaud, c'est là tout l'art de Deligny, de jamais prendre les choses de front et de les prendre de côté. Mais il dit, écoute, ça rouscaille là, ça râle un peu. Ce que tu fais, tu te mets dans les mêmes circonstances que... Donc il avait, à cette époque-là, il avait sa femme, un jeune gamin. Et Deligny dit à Renaud, tu te démerdes, tu te trouves une baraque dans le coin, vous vous installez, hein, ou je sais pas quoi, du jardin, des chèvres, des machins, enfin, vous vous démerdez. Et quand, au bout de quelques mois, quand votre lieu sera stable un peu, quand il commencera à y avoir un peu de la vie là-dedans, là, que ça aura pris un peu des habitudes, et bien, un gamin autiste viendra avec vous. Et ce film se fait comme ça, quoi. Et voilà, alors pendant 10 ans, avec une amie, on y est allé en été, on passait 15 jours et on les aidait. C'est pas le mot, on leur a dit, vous savez, on aimerait bien vivre là. Alors, venez, toujours le même système qui est de laisser se débrouiller les gens et nous fournissaient rien, quoi, ni un logis, ni rien, on se débrouillait. Alors, on est allé sous la tente, on est allé chez des fermiers, et en arrivant, je dis ça parce que ça c'est un exemple pour montrer ce qu'ils pouvaient faire. Au début, on leur a dit, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sait pas, on vous le dira, si vous voulez, mais vous pourriez ramasser du bois. Nous, on a commencé à être pas jeunes, et au bout de quelques temps, on leur a dit, écoutez, vraiment, qu'est-ce que vous pourriez nous trouver? Alors, on leur a dit, au groupe, on sait coudre. Alors, bon, parfait. Alors, on avait une machine à coudre, là, on arrivait le matin, et on ramassait toutes les choses à raccommoder de la, du groupe. Vous voyez, c'était... Donc, ils nous laissaient faire, quoi. C'était pas du tout... On voit bien, ça, je trouve que c'est formidable de provoquer chez les gens une initiative. Et c'est ça qui était bien. Son intuition, c'est que beaucoup de problèmes viennent de ce qu'on propose trop de choses aux gens, proposer au point de vue idée, hein, et que donc il faut faire appel aux ressources propres de chacun. Voilà. Merci à Malika, Brigitte, Christophe, Gilles et Amar, à Gisèle Durand et Jacqueline, à Chantal et Claude Berton, à Henriette et Jean Toche. Merci aux salariés actuels de la structure de Monoblet, Odile Durand, Marie-Lise Olivier, Laurie Benoît et Paul Espada. Merci au film d'ici et à Cyril Victor pour l'utilisation des extraits des films de Renaud Victor, Ce gamin-là, et Fernand Deligny à propos d'un film à faire. Merci à l'ASCAM pour son soutien à ce travail. Un documentaire en 5 parties de Juliette Volclair. Archives sonores et documentation sur www.intempestive.net.